السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Aujourd'hui, on poursuit dans notre lecture du livre Les 200 questions-réponses في العقيدة الإسلامية الصحيحة لحفيظ الحكمي رحمه الله تعالى. Donc la dernière fois, nous avons parlé des quatre maratib du qadar. Nous sommes entrés dans le sujet du qadar, du destin. Et nous avons pris les quatre maratib. Qu'est-ce que cela implique? Les quatre étapes de ce qadar. En premier lieu, nous avions dit « Al-ilm » que Allah a su toutes choses, ce qui est, ce qui n'est pas. « Thumma kulna al-kitaba » que Allah a écrit toutes ces choses-là. D'accord? Donc « Al-kitaba » l'écriture. « Thumma zakarna » Al-Mashiyah, ensuite la volonté que Allah a voulu de ces choses qu'il a écrites et qu'il a su, d'accord, et Rabi'an, quatrièmement, Al-Khalq, qu'il a créé ce qu'il a su, ce qu'il a écrit, ce qu'il a voulu parmi ces choses-là. Il les a créées. Donc tout ce qui a lieu, Allah l'a su, Allah l'a écrit, Allah l'a voulu et Allah l'a créé. Là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir. Et il n'y a pas de polémique à faire. Et il n'y a pas à aller à chercher trop loin de peur de se perdre et de se poser les mauvaises questions qui amèneraient à ouvrir les portes à Wasawis. Et on a vu des gens se perdre et voire même apostasier pour les mauvaises questions avec de mauvaises intentions et en arriver à penser du mal d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Le qadar, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas interrogé, il n'a pas de compte à nous rendre Allah. Je veux comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'y a pas de pourquoi chez nous. Comme on a dit d'aïmane, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aloun. Que Allah n'est pas interrogé ce qu'il fait, mais nous serons interrogés. Et à partir du moment où on sait que Allah Azza wa Jalla parmi ses noms, il est le hakim, le sage, quel que soit le décret, d'accord, on sait qu'il est bon. Que Allah a décrété que des gens aillent au feu, c'est qu'il y a un bon, il y a un bien derrière. Et Allah, il sait pourquoi il l'a fait. Et ainsi de suite. Ça ne nous regarde pas, ce genre de choses. Que chacun est déjà occupé par lui-même. Quel est le sort qui lui est réservé? Qu'est-ce qu'il attend plutôt que de s'occuper des autres? Pourquoi un tel Allah a voulu qu'il soit au feu? Pourquoi un tel ceci? Laisse un tel. Un tel sera pas dans ta tombe avec toi, Yom Al-Qiyam. Pour l'instant, c'est que toi, on t'a indiqué que tu as deux destinations qui t'attendent. Du moins, l'une des deux qui t'attend. Soit le feu, soit le Jannah. Occupe-toi de toi. Et ça devient un grand khair. Que le chemin du feu t'a été clarifié. C'est lui qui y mène, et le chemin du Jannah a été clarifié lequel qui y mène. À toi de faire les causes pour prendre le bon chemin. Le reste, ne t'en préoccupe pas. Tu n'es pas responsable des gens. D'accord? À part peut-être ceux qui sont à ta charge parmi les gens qui ne sont pas mon kalafoun comme les enfants ou autres. Et même eux, tu ne sais pas c'est quoi leur devenir. Tu peux donner la meilleure éducation à tes enfants, ils peuvent mal virer. Tout comme tu peux donner la pire des éducations, et ils peuvent avoir un bon devenir au final. Ça ne te revient pas à toi. Toi, tu fais juste les causes pour qu'ils aient le meilleur devenir qu'ils soient. Ensuite, le reste, Tayyib, c'est ce que Allah Azza wa Jalla aura prédestiné pour chacun. Naam. Donc là, on va prendre maintenant les hadillah de ces maratib, de ces quatre étapes. En partie. Car là, sur un dirs, on pourra pas tout prendre. On va commencer à les prendre. Donc, en premier lieu, السؤال 40 بعد المئة 140 question. ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم. Donc maintenant c'est quoi la preuve de la première مرتبة qui est le ilm, le savoir, le fait de croire en ce que Allah Azza wa Jal sait tout en toutes choses. Donc l'auteur a cité pas mal de hadillah, on va lire que quelques-uns pour pas trop allonger le ders. قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة. Que il est Allah La ilaha illahu, le savant de l'invisible et de l'apparent. Al-Hashr, verset 22. Wa qala ta'ala, wa inna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, que Allah sait toutes choses par son savoir. At-Talaq, le divorce, verset 12. Wa qala ta'ala, alim al-ghayb, la ya'zubu 'anhu mithqala dharratin fi samawati wala fil ard, wala asghar min dhalika wala akbar. Et que il est le savant de l'invisible et que rien ne lui échappe, ne serait-ce le grain d'un atome dans les cieux ou sur terre, et même ce qui est encore plus petit, ou ce qui est plus grand, car là il sait tout, rien ne lui échappe. Saba, verset 3. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو, et qu'il a les clés de l'invisible et nous ne les connaît en dehors de lui. Al-An'am, le verset 59. Et autres parmi les adillah. وفي الصحيح قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. Qu'un homme a dit, est-ce que les gens du paradis sont connus et les gens du feu sont connus? Il a dit, Nabi Sallam, il a dit oui. Il a dit là, pourquoi est-ce qu'on doit œuvrer? Il a dit, œuvrez, car chacun saura. Que chacun œuvrera de ce pourquoi il était, la raison pour laquelle il a été créé. Ou ce pourquoi il a été facilité. Ça veut dire que toi, si tu étais créé par mes, comme étant les gens du Jannah, Allah va te faciliter. Si jamais tu étais créé parmi les gens du feu, Allah va te faciliter. Et on le voit un peu dans cette dunya, des gens que l'on estime comme étant des gens du bien, on voit dans leur parcours et dans leur religion, on leur espère le bien. Et comment Allah leur a facilité les choses, de pouvoir appliquer les choses. Et d'autres, on les voit dans le mal, avec quelle aisance ils arrivent à faire les choses, à égarer les gens, à se perdre. D'accord? Et on se dit, c'est incroyable comment un tel a réussi à faire telle et telle chose. C'est qu'Allah l'a facilité pour qu'il y arrive. C'est-à-dire que même les gens dans le mal, ils s'imaginent avoir fait cela par leur force. C'est Allah qui leur a permis de faire cela. Comme on dit tout le temps, la hawla wa la quwwata illa billah. Ni de force, ni de puissance n'est pas Allah. Même les plus grandes stars que vous voyez, les plus grands hommes d'affaires que vous voyez, les plus grands sportifs que vous voyez parmi les koufars, les exploits qu'ils font, même eux n'ont pas le mérite de l'avoir fait, c'est Allah qui leur a facilité les choses. Sans quoi ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune force. Mais eux se voient comme étant redevables à eux-mêmes. C'est grâce à eux-mêmes. Comme a parlé Qarun, إنما أوتيت علم عندي من علم عندي. Qarun, qui était l'homme richissime à l'époque de Moussa, lorsque Moussa lui fait le rappel que cette fortune qui ne commence pas à devenir orgueilleux pour celle-ci, il dit, je l'ai obtenu par mon savoir à moi. C'est-à-dire qu'il ne remercie pas Allah Azzawajal. Vous voyez? Donc vous voyez qu'il y a des gens, même dans le mal, ils sont facilités dans ce qu'ils font, pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et au final, ils s'attribuent à eux-mêmes ce qu'ils pensent être un bienfait. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن رجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. Et que il se peut que tu vois l'homme agir avec les œuvres des gens du paradis alors qu'il est parmi les gens du feu. Tout comme le contraire, tu peux voir des gens qui œuvrent parmi les œuvres des gens du feu alors qu'il est dans ce qui paraît aux gens en apparent alors qu'il est parmi les gens du Jannah. Donc c'est pareil, c'est pour dire que ça en même temps, on peut pas juger les gens vraiment. Nous, on n'a que des indices qui nous font espérer qu'un tel a fait du bien, il est au Jannah. Un autre, il a fait du mal, il est au feu. Mais en réalité, on ne peut rien affirmer. D'accord? On ne peut rien affirmer. Du moins pour les croyants. Amin le kafir, il y en a, on peut affirmer qu'ils sont au feu. Et t'en as d'autres, on ne sait pas s'ils ont reçu le message ou pas. Mais ils meurent koufar pour nous. Après, il se peut que ce soit parmi les gens qui n'ont pas su, qui n'ont pas reçu le message, et Allah, Yom Al-Qiyam, va les éprouver. D'accord? Et t'en as d'autres, on les a vu faire du bien toute leur vie, et avant de mourir, ils ont fait une chose qui est grave, qu'on n'a pas su, avant de mourir, que seul Allah sait, parce qu'ils ont apostasié. Et d'autres, ils ont fait un mal toute leur vie, et peut-être qu'avant de mourir, ils ont fait une chose, la shahada, ils sont entrés en islam, on ne l'a pas su. On n'a pas su. Et ils sont parmi les gens de Jannah. Quoi qu'il en soit, nous, on agit en mesure de ce qu'on a su. Si on a connu un tel comme étant mort sur le kufr, on le juge comme étant un kafir. Et son affaire vient à Allah Azzawajal. Et celui qu'on a connu comme étant parmi les gens du bien, d'accord? Eh ben, on estime, on lui espère d'être parmi les gens du bien, Yom Al-Qiyama. Et si, avant de mourir, il a passé une chose qu'on n'a pas su, qu'il a sorti de cela, ça ne concerne pas. D'accord? Et aussi, s'il faisait preuve d'ostentation, qu'on n'a pas vu de choses, ça ne regardait pas non plus. T'as des gens, ils font du bien, et au fond d'eux, ils sont pleins d'ostentation, de riya. Et leurs œuvres sont annulées. Nous, on ne voit pas forcément. Donc, nous, on n'a pas à les chercher dans les cœurs. On juge les actes apparents et les indices qui y amènent. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من نفس إلا قد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال لا يعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. Donc il a dit, il n'y a aucune âme parmi vous sans que Allah ne sache quelle est sa place au paradis ou au feu. Donc là, ils ont dit, les gens, la question souvent qui vient à l'esprit, mais alors pourquoi est-ce qu'on œuvre? Ne doit-on pas nous baser sur notre destin? Il a dit non. Il a dit œuvrer, car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé, comme on l'a expliqué. Après, il a lu dans les sens du verset où Allah dit, quant à celui qui a donné, qui a craint et qui a cru en la bonne nouvelle, alors nous le faciliterons pour avoir le paradis. Et le contraire, celui qui aura démenti et qui n'aura pas donné, d'accord, qui aura démenti la promesse, alors lui, nous le faciliterons pour la difficulté, c'est-à-dire pour avoir le feu de l'enfer. Donc toi, à partir du moment où tu ne sais pas quel est ton devenir, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu te dis, je ne sais pas où est-ce que je vais être. Donc, mais je sais comment faire les causes pour aller au paradis et comment faire les causes pour aller au feu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les causes pour aller au paradis, tu vas éviter ceux qui amènent au feu. Tout simplement, tu vas être intelligent. Parce que les gens qui agissent comme ça, on va leur dire, c'est pareil. Si tu crois en destin et tu fais les paroles, ils font des péchés, ils disent, oui, pourquoi je me prends la tête? Parce que peut-être que je ne serai pas mis les gens du feu, donc autant je profite dès maintenant. On dit, ben, c'est pareil, alors pourquoi tu te lèves le matin pour aller travailler? Pourquoi tu fais les causes également alors? Si ton risque, t'es déjà prédestiné. Pourquoi tu te lèves le matin et tu fais les causes et pourquoi tu fais plein d'efforts pour avoir plus d'argent encore? Repose-toi sur ton livre. Il va dire non. Il va dire c'est pareil pour le paradis et l'enfer. Tu fais les causes pour aller à un et les causes pour éviter l'autre. C'est pareil. Donc les gens qui vont justifier leurs actes par le destin, vous pouvez vite les faire taire. Ce qui montre qu'ils sont juste des gens qui sont des menteurs. Qui ne veulent pas faire d'efforts, c'est tout. Ils veulent faire des péchés, ça leur plaît, et ils se justifient par le destin. Taïeb. Donc là, c'était par rapport au savoir que Allah Azawajal, c'est tout cela. Thumma qala fi as-su'al al-41, 141e question. Ma dalil al-martabati thaniya wa hiya al-iman bi kitabat al-maqadir. Donc maintenant, c'est quoi la preuve de la deuxième martaba? Deuxième étape qui est la foi en l'écriture de ce destin. Que Allah a écrit toutes choses à juste dose. قال تعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين. Que toute chose a été conservée dans un livre explicite, Yasin. Et ici imam, ça a le sens de livre. Imam dans le verset veut dire livre. وقال تعالى ان ذلك في كتاب. Que tout cela est dans un livre, Al-Hajj, verset 70. وقال الله تعالى في محاجة موسى فرعون قال فما بال القرون الاولى قال علم عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى. Et que Allah Azawajal a dit à propos justement du débat qu'il y a entre Pharaon et Moussa, lorsque Moussa, plutôt Pharaon a dit, et qu'en est-il des premières générations? Et Moussa lui a dit que toute sa voix est auprès d'Allah Azawajal dans un livre, et que mon Seigneur ni n'oublie ni ne perd. Taha. Verset 51-52. Donc tout est déjà écrit. Dans le sens où Allah dit, et que tu ne verras pas une femelle ne porter, ni accoucher, ni mettre bas, si elle met un animal, sans s'en savoir. Et que nul ne vivra dans ton devis, ni en plus ni en moins. Ton devis, il est déjà prédestiné. Sans que cela ne soit dans un livre. Et que cela est facile pour Allah Azawajal. Fatir Créateur, verset 11. Et autres parmi les versets. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma min nafsin manfusa illa qad kataba Allah makanaha min al-jannati wan-nar wa illa qad kutiba taqiya aw sa'ida. Et qu'il n'y a pas d'âme qui existe. Et là, le hadith parle des mukallafin, des hommes et des djinns, sans que Allah ait déjà écrit sa place au paradis ou au feu. si Aimé, elle est parmi ceux de la réussite ou parmi les damnés. Cela est déjà écrit. Et cela est déjà décrété. Et cela fait peur. Bien sûr, cela fait peur. Et comme l'ont fait les Sahaba, cela nous pousser à agir encore plus. Nous pousser à agir encore plus. Car tu te dis que si jamais Allah t'a facilité le Jannah, alors fais des œuvres, faisant le plus possible. Elles sont facilitées. Et que si jamais Allah Azzawajal t'a prédestiné le feu, d'accord? Et bien à ce moment-là, tu dois avoir peur pour toi et faire en sorte de faire tout ce qui t'évite d'y aller. Après, c'est pas ça ce qui se passera. Mais toi déjà, là, actuellement, tu es vivant et tu es parmi les gens de l'islam, un croyant. Dis-toi, ce sont des causes pour que Allah t'amène au paradis. Donc garde espoir. Et ces causes, renforce-les, multiplie-les. Multiplie-les. D'accord? Et remercie Allah Azzawajal de t'avoir donné cela. Et plains-toi quand tu vois les koufars. Plains-toi quand tu les vois par rapport à eux, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir. Surtout ceux que tu vois qui sont dans le couf et qui s'y complaisent et qui s'y enfoncent et qui se voient comme étant les gens de la réussite. Ces gens-là, faut vraiment les plaindre. Faut pas les envier, hein. Voilà, faut pas les envier quand tu vois des gens qui ont plein d'argent, des gens qui sont, soi-disant, à la dunya, qui ont réussi, qui ont percé, ou ceci ou cela. Choses qui font envie à l'âme, mais qui en réalité ne sont des choses qui ne sont pas profitables. Faut pas les envier, ces gens-là, faut les plaindre. Voilà, faut les plaindre. Comme on l'a dit tout à l'heure, les hommes politiques, les sportifs, les stars, les influenceurs, parmi les gens du couf, tous ces gens-là, là. Que tu vois qu'ils sont adulés par plein de gens, qui ont plein de suiveurs, qui ont tout ce qui est la dunya qui s'offre à eux. Voilà, faut les plaindre, ces gens-là. Faut pas les envier. Pas du tout. طيب. ثم يقول في السؤال 42 142e question. كم يدخل في هذه المرتبة من المقادير. Donc là, il va ouvrir une parenthèse par rapport à la prédestination écrite. D'accord? Il a dit maintenant, celle qui est la 12e martaba de la foi en le dessin, cette 2e martaba renferme elle-même 4 maratib, 4 étapes elle-même. Dans ce qui est de l'écriture, des choses prédestinées. Donc il dit, يدخل في ذلك خمسة أو خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم. Donc il a dit, il y a 5 étapes dans celle de l'écriture. Des choses prédestinées. 5 autres étapes et toutes reviennent à un seul point qui est l'ilm, le savoir. Il a dit, التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما حرك الله القلم وهو التقدير الأزلي. Donc première chose, première étape, c'est ce qui a été écrit avant que Allah ne crée les cieux et la terre de 50 000 ans. Au moment où Allah Azzawajal a créé la plume. Et ça s'appelle At-Taqdir al-Azali. Voyez, At-Taqdir al-Azali. Je ne sais pas comment traduire cela, qui est la prédestination de toujours. On dira comme ça. D'accord? La prédestination de toujours. Al-Thani At-Taqdir al-Umari, qui est la prédestination du temps de vie. Hina akhadha mithaq yawma qala alastu bi rabbikum. C'est le jour ce qu'on appelle c'est le jour à fois où Allah Azawajal a pris l'engagement avec le fils d'Adam, le jour où il a parlé avec eux alors qu'ils étaient encore dans les reins de Adam. Donc ils n'étaient même pas encore créés, encore vivants. Donc là Azawajal a pris l'engagement envers le fils d'Adam, qui reconnaissent qu'Allah est leur Seigneur. Parce qu'on est Rububiya, chose qu'on a tous en nous. Que même les Koufa les ont en eux. Al-Thalith, Taqdir al-Umari, Aïda, Aïna Takhliq, Al-Nutfa, Fil Rahim. Et le troisième étape, c'est également la prédestination du temps de vie. Mais celle-ci, elle a lieu quand? Au moment où Allah Azzawajal a envoyé l'ange. Bon, lorsque on était encore en fœtus dans le ventre de nos mères, au bout de 4 mois, lorsqu'il a ordonné l'ange d'y mettre le souffle de vie, d'y mettre le risque, la substance, d'y mettre le temps de vie et d'y mettre les œuvres et la destination finale. D'accord? Taïeb. Arabia, quatrième, Taqdir al-Hawli, Filayat al-Qadar. Ensuite, c'est la prédestination qui, elle, est annuelle. Et celle-ci qui s'écrit lors de la nuit du destin. Filayat al-Qadar. Que tout ce qui va se produire dans l'année est écrit à nouveau à ce moment-là. Wal-Khamis, Taqdir al-Yawmi, وتنفيذ كل ذلك الى مواضعه. Et ensuite, il y a la prédestination quotidienne, ce qui se passait chaque jour. D'accord ? Donc, en fait, ce sont des choses qui se font de façon générale, puis se précisent au fur et à mesure. D'abord, la prédestination de toujours. Ensuite, celle du temps de vie, qui est de deux, à deux moments. Au moment où Allah a parlé au fils d'Adam dans les reins de Adam. Puis la deuxième, lorsque Allah Azzawajal a insufflé le souffle de vie. Voyez. Ensuite, la prédestination qui est annuelle, de chaque chose qui se passera dans l'année. Et ensuite, celle qui est quotidienne, dans chaque jour. Qui se déroulera chaque jour. Naam. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que ça risque d'être long. Et peut-être dans le prochain ders, on prendra les dalils de tout ce qu'on vient de citer là, à l'instant là. C'est chacune des prédestinations. Al-Azali, wa Al-Umri, wa Al-Hawli, wa Al-Yawmi. Biznillah ta'ala. Et pour rappel, demain, Inch'Allah, la conférence à 15h. Sur les asbab du risque. Les causes qui permettent l'obtention du risque, c'est-à-dire le risque qui est halal concernant les musulmans. Naam. Fa ila huna wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.